Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 128. On est vendredi matin, le 10 novembre. On a manqué le 4 novembre au soir, mais on est le 10 novembre. Et puis, un autre épisode tout de suite. Désolé pour le dernier épisode. En fait, il était supposé sortir plus rapidement. Puis là, je pensais que je l'avais transféré sur mon Dropbox pour que je puisse l'éditer à maison. Finalement, non, je suis revenu. Puis là, on dirait que ça n'a pas marché. Fait que bref, ça a été plus long, là. Merci à tout le monde qui m'ont posé des questions. Et cet épisode-ci sert à finir de répondre à ces questions-là, en effet. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais avant cela, il y a des petites affaires que je voulais faire. J'ai deux petites affaires à faire. Premièrement, j'ai pété mon cellulaire. J'ai écrasé. Moi, j'étais propriétaire d'un rutilant iPhone 8. Ils sont rendus à 15 maintenant. Et puis, moi, je t'ai fait mon iPhone 8 là, comme un char. Là, t'sais. Quand tu as fini de payer ton char ou ton téléphone ou voilà, ta maison, t'sais. Faut que tu t'offres ces affaires-là les plus longtemps dans ta vie. C'est de même que t'es riche, tu sais. Quand t'as plus de fucking paiement, là, des gros paiements. Fait que le char est un gros paiement, la maison est un très gros paiement. Et le téléphone est un paiement aussi. Là. Vous, là, à la maison, là, qui voulez acheter des téléphones neufs, là, c'est juste 30$, 40$ de plus par mois pour avoir le nouveau téléphone. Puis là, vous changez de téléphone tout le temps. Pas bon, ça. Pas bon pour en tout. Vous n'avez pas besoin de ça. Achetez votre téléphone, clairez-le, puis vivez avec le plus longtemps possible. C'est pas avec des paiements, puis des paiements, puis des paiements tout le temps que vous allez être riche pour faire de l'argent. Vous voyez ma belle tasse de Tedford que j'ai trouvée dans Game Chasant à Sherbrooke avec les copains, dans l'espèce de friperie géante dont j'ai oublié le nom. Fait que, ben, fier de ma tasse Tedford. Elle contient beaucoup. Moi, j'aime ça les tasses qui contiennent beaucoup. Comme mon grand-père, je m'étouffe en buvant. C'est dans la famille. Mes deux gars aussi, c'est de même. Mon grand-père, c'était de même. Mon père, c'est de même. On fait juste comme s'étouffer random avec notre bave et les liquides qu'on boit. D'après moi, il y a un tuyau en dedans là, qui est mal. Qui est légèrement mal posé. Donc. Oui, j'aime les tasses qui contiennent. Et d'ailleurs, quand je raccroche avec vous, je m'en vais faire des tasses pour Retro Montréal. J'ai trouvé un fournisseur. Vous savez, on a des pintes de bière, des verres de bière style canette qui sont très, très, très agréables à boire dedans. On a aussi des coupes à vin et des pots à boire, mesdames et messieurs. Et puis, tout ça existe. Tout ça est créé avec les illustrations de Lunar et Glitch. On a aussi notre affaire de stade et tout ça. J'ai mis ça sur des affaires, puis on met ça à vendre ici chez Retro Montréal et c'est disponible en ligne. Allez dans l'onglet Collection Retro Montréal. Dans la collection Retro Montréal, il y a tous nos verres, notre linge, nos casquettes, nos affaires, tout ce qui est nos choses. Alors allez voir ça. Je vais faire des tasses aussi tantôt, puis j'espère que ça va être prêt pour Noël. Ça ferait un beau petit cadeau. Donc on revient au cellulaire. Faut garder ça longtemps, là, t'sais. Puis moi, je voulais continuer de garder mon iPhone 8 très longtemps, mais malheureusement, je me le suis écrasé. Je sais pas comment, il est explosé, en avant, en arrière, vite, complètement éclaté. Je l'avais dans ma poche, d'en avant. Puis là, on est en train de taponner les arcades chez Arcade Montréal. Je pense que je vais pouvoir en parler plus tard, dans un prochain show. Et puis, bref, cette nouvelle arcade-là, qui pesait, ma foi, une tonne, m'a comme tombé dessus un peu. Fait qu'elle m'a écrasé le téléphone, ça à cuisse ou je sais pas quoi. Puis, ça l'a complètement éclaté, mon téléphone. J'étais tellement triste. Parce que s'il y a quelque chose que ça ne me tente pas de faire dans la vie, c'est bien astille de commencer à gosser un nouveau téléphone. Je veux rien savoir de ça. Mais là, j'ai pas le choix, il a explosé. Mais là, c'est Black Friday qui arrive. Fait que là, tu sais, j'étais dû aussi. Là. Moi, je fais beaucoup de médias sociaux avec. Je prends des photos tout le temps, tu sais, pour nos publications partout, là, tu sais, de l'arcade, Papa Cassette, Rétro Nouveau, tout ça. Puis je filme aussi des fois, puis des TikTok, des affaires. Puis mon vieux téléphone, il est plus up-to-date côté qualité de l'image. Donc. Au moins, ça va faire du bien d'avoir un nouveau téléphone pour ça. Mais Black Friday arrive. Puis c'est dans deux semaines et quelques. Fait que là, je vais pas tout de suite acheter un nouveau téléphone quand il va avoir des rabais. Fait que là, il faut que je surveille les rabais. Fait qu'en attendant, j'utilise le iPhone 8 de ma blonde, voyez-vous. Notification. Voyez-vous les, comment je suis notifié? Notifié. Ça, c'est juste en sortant de l'autobus, en m'en venant ici. Fait que c'est ça. Puis j'ai son petit protecteur aussi, là, très coloré. Alors voilà. Et puis là aussi, vu que je suis cheap, j'avais pas acheté plus d'espace iCloud. Alors mon iCloud était saturé et j'ai pas d'update. Mon dernier update est de 2019. Fait que là, il me manque plein d'affaires. Puis je peux pas sortir les photos de mon vieux téléphone non plus, à moins d'un. Je sais pas comment, là. Parce que même quand je le branche, il apparaît pas nulle part. Faut que je le unlock, puis je peux pas le unlocker parce que la vitre est pétée. Fait que. Il est pris. Et puis là, je fais mon nouveau téléphone. Et puis là, wow! Les applications, ils marchent pas. Faut tout que je les efface puis je les re-upload anyway. Il y a plein. Tous des nouveaux contacts depuis 2019 que j'ai ajoutés, je les ai plus. Martine ici, la propriétaire de l'immeuble, tu sais, des affaires de base là, que j'utilise quand même régulièrement. Fait que j'ai pas ça. Mais c'est pas grave, hein? Faut pas capoter avec ça. Parce que un téléphone là, pis tout ça, là, c'est une chose, tu sais. Mais faut pas oublier qu'on vit. On peut tout sacrer ça là puis aller prendre une marche dans le bois. Et tu seras vivant. Et tout ça n'aura pas, te touchera pas, tu sais. Fait que c'est bien. Donc, je m'en crisse au final. Ça va être du gossage. Je vais devoir m'acheter un nouveau téléphone. Je vais être content quand je vais l'avoir. Je devrais refaire tous mes contacts, faire un ménage, puis tout ça. Puis peut-être acheter du nouvel espace ou trouver une façon que mon espace se gobe pas tout. Puis ou de pas jamais envoyer mes photos dans le cloud ou je sais pas quoi. C'est un setting, ça, que j'aurais dû changer à un moment donné. Parce que moi, j'attends que mon téléphone soit plein de photos. Quand il est plein, puis ça m'énerve. Je les enlève de mon téléphone, je les mets sur un disque dur à maison, tu sais. Et puis, toutes les photos de voyage, les enfants, tout ça. Fait que c'est ça. En tout cas, je vais avoir un nouveau téléphone bientôt, donc mes publications seront plus belles, vous allez voir. Là, je bois du café, je suis comme un peu fatigué quand même. Ah, c'est bon, c'est bon. Fait que là, avant de passer aux questions du public aussi, je vais avoir un autre segment qui va être un petit peu long, je pense. Parler de publication. J'ai fait une publication virale, mesdames et messieurs. Vous avez vu, la semaine passée, le 3 novembre dernier, juste avant le 4 novembre, j'ai fait une publication des très belles poubelles de Rétro Montréal. Donc, notre bac de recyclage et notre poubelle, qui est une petite poubelle, qui sont maintenant attachées, fermées et enchaînées sur le mur. Donc, puis j'ai écrit dans ma publication, « Le vois-tu, comme c'est beau? » Pas plus que ça, parce que moi, je m'adresse à vous, tu sais, vous écoutez mon podcast, vous voyez mes publications, tout ça. Vous savez que le terme, les poubelles de mes commerces, ben de mon commerce, ah, puis l'arcade, c'est pire, mais là, ça, je vous en parle même pas, là, je suis pas là pour prendre des photos, mais... Puis, fait que vous savez, les poubelles, c'est comme une petite saga, là, c'est un running gag dans l'univers de Papa Cassette maintenant, ça a l'air. Puis, moi, je continue de nourrir ça, je trouve ça bien drôle. Pis no big deal, là, tu sais, mais c'est quand même comique. Fait que là, mais quand même, là, j'ai fait une publication de ces deux poubelles-là. Puis là, je regarde mon post, ma publication. Puis là, elle est maintenant rendue à 513 réactions, 54 partages, et puis 293 commentaires. Hey, là, c'est malade ce qui s'est passé avec ça. Moi, genre, c'était-tu samedi dernier, ouais, je sais plus quand, mais je regardais ça, là. Comme, ça arrêtait pas, là, les commentaires, là, continuellement, je recevais tout le temps des notifications, c'était fou, là. Les partages, là, c'est ça qui fait que le truc, il se rend loin, là, tu sais. Fait que, je regarde, puis quand on clique sur l'icône de partage d'une publication pour voir qui a partagé ta publication, tu vois des gens, tu vois les gens qui ont partagé, puis des fois, tu vois les commentaires sur ces partages-là. Puis, bon, la plupart du temps, là, je regarde ici, c'est tout du monde, là, que personne n'a commenté, whatever. Et puis, mais y en a d'autres qui ont quelques commentaires, alors ça, c'est drôle. Fait que là, ce que je veux faire, je vais juste comme lire les commentaires sur cette publication-là un peu et rigoler de cela avec vous et vous donner mon point de vue parce que quand même, je trouve ça assez hilarant. Et puis là, s'il y en a parmi vous qui seraient tentés de dire « Oh là, les gens, là, tu t'en prends... » Les gens, ils viennent publiquement sur ma publication publique donner de la merde. Fait que ceux qui mangeront de la merde, je vais dire ce que je veux sur ce qui se passe chez nous. Fait que c'est ça. Donc, un des partages ici était de Anathème l'amertume, tu vois, des belles personnes, ça, là, avec pas des vrais noms qui se cachent derrière des images et tout ça. Fait que cette personne-là, que je trouvais intéressant, disait « Vraiment, canasser tes bacs, pourquoi? » Pour pas que le voisin en rajoute, pour pas que les ramasseurs de canettes aient accès, pour empêcher les ratons de jouer dans ton compost, pour pas te faire voler tes précieux déchets, pour pas que tes bacs pognent la COVID, achète-toi un compacteur hydraulique et enferme-toi dedans tant qu'à y être. Non mais. Et puis là, ces beaux commentaires, c'est pour le look, comme des piercings. C'est débile, rendu là aussi bien garder les sacs en dedans et attendre le truc de vidange. Donc voilà, ça c'était monsieur. Les gens ne comprennent pas, c'est ça qui s'est passé. Vous comprenez, vous écoutez mon podcast, donc vous comprenez pourquoi je dois faire ça. Mais là, quand ça devient viral, que ça se promène, tu sais, ils savent pas les gens, là. Fait qu'il y a bien du monde que c'est ça, tu sais. On voit juste Montréal avec une poubelle attachée puis un bac attaché, mais tu vois pas, il y a pas de contexte, t'sais. Parce que moi, j'ai pas mis de contexte, parce que vous le connaissez, le contexte. Mais là, c'est devenu viral. Ben, je dis viral. En tout cas, c'est allé très large. Fait que là, le monde, il voit juste ça, puis ils comprennent pas le contexte. Fait que là, le monde pense que je suis un débile, c'ti, qui tripe sur les vidanges, comme papa dans petite vie. Puis là, il y a plein de monde qui a parlé de papa dans petite vie. Mais c'est ça. Fait que mon problème, bien sûr, je vais le répéter, mon problème est que je me fais remplir mes bacs de poubelle et recyclage comme en une journée. Puis moi, nous ici, on en produit beaucoup du recyclage, pas beaucoup de poubelles, mais quand même beaucoup de recyclage. Fait que je peux pas sortir mon recyclage si mon bac est déjà plein. Et les gens, les passants aussi, ils jettent leur crotte de cul de chien de Chris dans la poubelle, mais aussi dans le recyclage. Pour les pauvres gens, à l'usine de recyclage, qui se mettent les mains dans la merde, tu sais. Fait que c'est ça. Puis on s'est fait... Mais ces affaires-là sont attachées parce qu'on s'est fait voler... Notre poubelle, c'est pour ça que notre poubelle est petite. On a acheté une plus petite poubelle qui est enchaînée, vous voyez ça? Parce qu'on produit pas beaucoup de poubelles. Là, c'est pas la ville, c'est pas la poubelle de la ville, ça, là. La ville, elle fournit pas ça. Fait qu'on a acheté une poubelle, on s'est fait voler. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a abandonné une grosse poubelle devant l'ancien local de Rétro Montréal pendant 2 semaines, et est restée là. Après 2 semaines, je me dis « fuck you ». J'étais curé de voir ça en face de chez nous, personne ne vient la chercher. Je l'ai amené ici pour l'utiliser et on l'utilisait à bon escient et on se l'est fait voler. Fait que là, on a racheté un autre. Fait que là, la petite, puis là, on l'a enchaîné. Puis, vous vous souvenez, mon bac de recyclage, je m'étais fait voler mes roues. Donc, j'avais un bac de recyclage, pas de roues. Mais là, les voisins ici, dans l'immeuble qui a été rebâti, se sont fait donner par la ville genre 20 bacs de recyclage, tu sais. Puis, personne ne gère ça. Fait que là, j'ai fait un trade, je leur ai donné mon pas de roue, puis je l'ai pris avec des roues, puis je l'ai enchaîné. Parce que de toute façon, tout le monde remplissait ces bacs-là, qui n'étaient pas enchaînés, qui étaient faits ouverts et disponibles à tout le monde, mais eux autres, les voisins, ils géraient pas ces bacs-là. Là. Fait que ça se faisait remplir, et ça restait là. Et c'est ça qui se passe. On est en ville ici, hein, je vous le rappelle. Là. Fait que c'est pas comme en campagne, c'est pas comme en région. C'est pas comme chez vous, dans un quartier résidentiel. On est en ville, dans Hochelaga Maisonneuve, quand même, faut le rappeler. Fait que y a des seringues ici dehors, là, tu sais. Il faut ramasser ça, là. C'est pas de la rigolade, les amis. Le monde se font péter. On s'est fait cambrioler, on s'est fait péter nos fenêtres, on s'est fait voler nos poubelles. Ça brasse, là, c'est pas rien. Hein. Pourquoi? Ça me fait pas plaisir, moi, là, de faire ça, là. Fait que c'est ça. Donc, si je veux continuer. Parce que sinon, moi, mes déchets et mes affaires, je vais juste les mettre au chemin, là, tu sais. Puis je peux pas les garder en dedans, ça prend trop de place, puis ça pue. Chris, à un moment donné, j'ai-tu droit à utiliser ma propriété puis mes affaires comme un bon citoyen, en bon voisinage, tu sais. C'est moi qui se fait abuser complètement là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, Joe, il a tout installé ces belles courroies, là, pour les attacher fermées, là, et c'est absolument magnifique. Fait que, puis il n'y a rien qui peut rentrer là-dedans. Là. Fait que là, c'est parfait. Alors, c'est ça. Donc, ça prend du contexte. Et puis, ça, c'est le contexte. Je viens de vous le donner. Mais il y a bien du monde là-dedans qui ne le comprennent pas. Puis, il y a bien du monde, nous aussi, qui disent « Ah, fait bon vivre à Montréal. C'est beau, Montréal. Ah, Montréal. Bienvenue à Montréal. » Puis là, ça, il y en a beaucoup de ça. « On est rendu là. » Puis, quoi... À Montréal, même les poubelles sont en sécurité. Il manque de caméras de surveillance, ça sera pour bientôt, j'espère! Fait que c'est ça, ça à Montréal, ça c'est bien, à Montréal, disent les gens qui viennent jamais à Montréal. Moi c'est ça, c'est ce qui m'énerve. C'est pas Montréal, c'est le quartier Hochelaga-Maisonneuve commercial. c'est cette petite place-là. Là. Moi j'habite dans Rosemont. Monsieur, puis on laisse en avant pour tout le monde. Là. N'importe qui pourrait chez nous prendre nos deux chaises en avant sur le balcon, nos coussins, on a des lampes solaires, on a des pots de fleurs. L'hiver, je laisse deux pelles, je laisse un balai, je laisse tout ça là, comme ça. Mes trois bacs, poubelles, recyclage, compost, c'est tout, c'est pas attaché, c'est là, c'est mis sur mon perron. Tout ça est là. Là, on vient de finir l'Halloween. Ma blonde a décoré beaucoup. Fait qu'elle a mis plein d'affaires. Elle a fabriqué. Elle est allée au Dolorama. Elle achète des coupes. Elle met des mains de squelettes dessus. Elle remplit ça rouge. Elle peint coca. Puis elle dépose tous ces objets-là qui font toute une ambiance d'Halloween incroyable. Ma blonde est comme ça. Elle fait ça. À Noël aussi. Couronne de Noël. Des boules, des affaires. Tout ça est très beau et très élégant. Puis tout le monde adore ça. Puis, on s'est jamais rien fait fucking voler de ça. Puis moi, j'ai habité dans Rosemont. Puis j'ai habité personnellement dans Hochelaga-Maisonneuve. Me suis fait cambrioler. Me suis fait voler toutes mes poubelles en avant, toujours. Jusqu'à ce que je les mette en arrière. Mais là, c'est tannant parce qu'ils passent en avant. Ben, t'sais, mais j'avais pas le choix. Rentre mes vidanges dans la maison, tabarnak, c'ti, pour les mettre au bord du chemin en avant. Mais je les mettre dans la poubelle en arrière parce que me faisait voler mes poubelles. Puis je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à les enchaîner, par contre. Ben, je me suis fait voler. Fait que j'ai arrêté d'acheter des poubelles aussi. Il faut que j'achète ça. Fait que je me suis fait cambrioler, donc des gens ont busté ma maison, fouillé dans nos photos familiales et tout, et volé des outils pis des niaiseries. Fait que c'est ça. Fait que... Puis volé poubelles et volé des décorations d'Halloween aussi, parce que quand on était dans Hochelaga, on avait bon cœur avec notre enfant de 2 ans, et puis on voulait décorer, on a un enfant, c'est l'Halloween, on est heureux, on met les décos, pis Hochelaga t'arrache tout ça. Fait que voilà ce qui se passe ici. Donc, c'est pas Montréal entièrement, t'sais. Montréal est très grand. Il y a plus 1 million d'habitants ici. C'est une des plus grosses villes en Amérique du Nord. Certainement dans le top 15. Fait que Montréal, là, hein, comme toi le Montréal, c'ti. Viens vivre ici. Viens vivre à plusieurs places de Montréal. Viens voir des choses. Apprends comment ça marche ici. Puis après ça, là, tu vas peut-être te fermer la gueule à partir de ton patelin, là, t'sais. Il n'y a rien qui m'enrage plus que ça. Des non-Montréalais qui disent « à Montréal ». Ah ouais, il y en a un ici, je le regarde, là. Il me tape ses nerfs, là. Il se pense bien fin puis bien fort, là. Avec ses tatous puis tout, là. Le genre de gars qui va au camion. Exact. Fait que c'est bien de ce monde-là aussi, hein. Fait que voilà, on continue dans les messages. Ah oui, il y en avait qui étaient intéressants. Les jokes de papa, c'est ça qu'il faudrait. Il y en a aussi qui c'est comme waouh, quelle bonne idée, tu sais. Je suis content de voir qu'il y en a qu'on peut donner des bonnes idées à d'autres gens qui souffrent comme nous. Fait que ça doit être précieux ce qu'il y a là-dedans. Il y en a aussi qui étaient comme oh, mais là, comment tu fais pour sortir tes poubelles? Là, j'ai comme j'ai les clés de ces cadenas, tu sais, mais. Fait que c'est ça, c'est spécial. Simon Turgeon ici qui dit « Moi, j'aurais mis le petit dans le gros pour être certain qu'ils n'ont pas de vie. » Fait que c'est ça, c'est ceux-là qui savent pas écrire aussi, hein. Puis ici, il y a quelqu'un qui a partagé que ma photo s'est ramassée sur la page « Les amis de Pointe-aux-Trembles ». Avec, dans la publication, quelqu'un écrit « Tu viendras pas fouiller dans mon bac! » Puis là, vous irez sur la page, si vous voulez plus de commentaires sur la page Les Amis de Pointe-aux-Trembles, c'est là que ça se passe. Il y en a beaucoup. Il y en a qui disaient problème de raton aussi. Ça aurait pu, mais ça aurait très bien pu. Mes parents qui habitent à Saint-Hubert, donc pas à Montréal, ont des fucking problèmes de ratons, là, puis d'animaux qui rentrent dans leur bac tout le temps. Fait que oui, mon père doit fermer ses poubelles pour pas que les ratons y rentrent, puis ces bébêtes-là. Et les écureuils trouvent des façons quand même. Donc, il n'y a pas juste ça. Ah ouais, et les vidangeurs, ils font quoi pour vider les poubelles? Pas brillants. C'est spécial, ça. On devrait faire ça, les itinérants nous auront pu. Là, ça, je suis pas sûr de comprendre. Mais oui, il y a des itinérants. Mais tu sais, vous savez aussi, moi, j'ai pas de problème là, parce que il y a eu du monde qui met une canne de temps en temps, ou une sac de crotte dans ma poubelle, ou une canne dans mon bac. T'sais. C'est juste que c'est un afflux. T'sais. Là, j'ai de l'aide de la personne qui veut pas rendre service à l'humanité, que je veux pas que les itinérants checkent dans mes poubelles. C'est ce qu'ils faisaient, les itinérants. De toute façon, quand je les mets au chemin, comme présentement, ce matin, le recyclage est au chemin. Donc, j'ai détaché ça hier soir et c'est au chemin. Les itinérants ou les ramasseurs de canettes, qui sont pas des itinérants en passant. Hein. Les itinérants, ils sont couchés à terre à moitié morts. Les ramasseurs de canettes que je vois, qui sont efficaces, sont organisés en tabarnak, là, le vélo, les sacs, tout ça. Là. Fait que ce n'est pas que des itinérants puis du monde là, à l'article de la mort qui ramasse les canettes. Fait que de toute façon, ils vont pareil, parce que le bac est au chemin, il est débarré. Fait qu'ils ouvrent ça, ils checkent dans les sacs, puis ils ramassent ce qu'ils ont besoin. Ce que j'aime moins, et c'est déjà arrivé deux fois et plus même, avant que j'attache mes bacs, quand ils sont en arrière, ils les éventrent, ils sortent les sacs, ils les éventrent partout à terre dans la ruelle. Et là, c'est comme un océan de déchets partout. Puis là, moi, je suis pas là pour ramasser ça live. Fait que là, il pleut, les chars passent là-dessus, puis là, ça calisse ça partout. Puis moi, le lendemain, ben, je ramasse tout ça, puis je remets ça dans mon bac. Mais là, whoop, mon bac est plein déjà, parce que d'autres mondes sont mis venir d'autres affaires. Fait que voilà. Ah oui, Tom Walker. Je suis allé à Montréal en août. J'ai pas vu ça nulle part. Ça doit être un cas à part. T'es allé à Montréal une fois. Y es-tu allé à Kirkland? Y es-tu allé à Pointe-aux-Trembles? Y es-tu allé dans le Vieux-Montréal? Il a pas vu ça. Lui, il a pas vu ça. Il est allé à la cage au sport de Kirkland. Il a pas vu ça. Fait que voilà. Bonne idée. Le cadenas en hiver, ça va être chiant. C'est vrai que ça va être chiant, ça, par contre. Hein? J'ai comme l'impression que ça va coller un peu, là. Ah oui, là, il y a du monde fâché. Ça me rappelle la bouche de notre gouvernement devant l'inflation. La verte, c'est leur chef. Cela n'empêche pas les écureuils. Très bon système pour éviter les marmottes. Hein? Gros souci de poubelle à Montréal. Pendant ce temps-là, des gens meurent dans le monde. Ah ouais, allez, ça, là. Ça, encore une fois, il y a tout le temps du monde qui meurt dans le monde, vous savez. On a le droit d'avoir des questionnements ou des débats ou des préoccupations autres que le big picture mondial de « il y a des gens qui meurent quelque part ». Parce que sinon, on ferait rien, tu sais. C'est comme « ouais, mais ah, il y a des gens qui meurent dans le monde ». Ouais, mais mettons, on pourrait-tu comme améliorer telle affaire? Donc, on s'en crisse, il y a du monde qui meurt. Tu sais, c'est pas un argument ça, du monde qui meurt. Il y a du monde qui meurt quand on check ça, quand c'est le temps de s'occuper de voir qu'il y a du monde qui meurt. Tu sais, tu comprends? C'est hors sujet. Il y a tout le temps du monde qui meurt. C'est une grosse planète ici. On a le droit d'avoir des débats locaux, tu sais. Pas obligé de tout le temps penser au monde qui meurt, parce qu'il y a tout le temps du monde qui meurt. Il y a une guerre. Il y a du monde qui meurt en Ukraine présentement, tu sais, qui n'ont plus rien. C'est pas mal plus grave que mes poubelles, bien sûr. Mais là, on parle de ça. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, ça m'énerve. Puis c'est pas parce que je pense à ce monde-là, là, tu sais, puis je comprends, puis ça aide aussi à te donner un autre point de vue sur la vie, que c'est comme, ouais, c'est pas si grave mes affaires, puis tout, puis je suis tout conscient de ça et sensibilisé par rapport à ça. 100%. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle, tu sais. C'est ça. Fait que, y en a d'autres qui se font remplir leurs affaires, hein? J'ai dû faire la même chose. OK, puis un anneau pour les attacher tous, ça y tentait pas. C'est comme une joke de Seigneur des Anneaux, ça. J'aime bien ça. Ils vont couper les cordes pour te remplir tes poubelles juste pour être troll. Ah, ils pourront pas. Par contre, ces cordes-là, ils sont comme en acier, là. Ça leur prendrait des cutters, là. Ça serait vraiment intense. Vous avez des ours. Hein? Problème d'humain. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a du monde. Il y en avait qui étaient bien. Moi, est-ce que j'ai de la misère? c'est qu'il y a du monde. Problème d'humain, là j'ai dit, j'ai des problèmes d'humain, tu sais. Non, problème de raton? Non, plutôt problème d'humain. Ah ouais, problème d'humain qui mettent des poubelles dans les poubelles? Moi, c'est le contraire qui me dérange, comme si j'étais un méchant, là, tu sais, qui voulait pas là, que le monde mette un déchet de temps en temps dans ma poubelle. Je le répète, ça me ferait plaisir, mais c'est juste qu'on fait abuser de nous autres. Fait que voilà. C'est attardé, la consigne. Ah ouais, ça, c'est intéressant, la consigne aussi. Hein. Les consignes passent à 10 cents. Fait que là, maintenant, il y a bien des commerces qui souffrent. Qui avaient un sale temps à gérer les fucking consignes et tout. Pauvres commerçants, pauvres petits commerçants, pauvres épiceries qu'il faut que je gère tout ça. Là, il y a bien des places qui vont dire « On n'en veut plus de vos consignes, c'est terminé. » Parce que là, à 10 cents, ça aurait viré fou et tout. Et puis, pourquoi ne pas faire des postes de consignes, des stations dédiées à ça, comme en Europe. Il y a ça en Europe, apparemment. Puis ça l'aurait très bien fait, ça, au Québec. Puis là, ça m'énerve. Il y a des problèmes facilement réglables. Ça, c'en est un. Puis là, ça va devenir un chaos, ces calices de consignes-là. Le recyclage, il va en avoir 4 fois plus parce que les canettes vont toutes aller là-dedans. Et puis, c'est qu'on l'échappe. Là. Ça, c'est de la mauvaise gestion québécoise, je dirais. Et puis, ça m'énerve au plus haut point. Là. Vraiment, c'est une ratée. Et puis, ouais, il y a des gens aussi qui parlaient de poids. Ça, c'est intéressant aussi. On parle d'Europe. Je pense qu'il y avait des Français dans la publication qui mentionnaient que c'était pour pas me faire remplir mes déchets parce qu'il faut qu'on paye au poids les déchets qu'on fait, tu sais. Alors, on n'est pas rendu là ici au Québec et on est bien chanceux qu'on ne soit pas rendu là encore, mais ça va sûrement venir le jour où est-ce qu'on devra payer notre eau, où est-ce qu'on devra payer pour les déchets qu'on crée, pour la pollution qu'on crée. En Europe, c'est déjà le cas, et puis ça va venir. Alors, j'essaye de vivre dans les bons paramètres de ça. Je vais aller qu'au centre, tu sais, comme je pourrais aussi. Ici, on produit beaucoup de déchets électroniques. On les produit pas, mais c'est parce que le monde nous en apporte du stock. Fait qu'avec les lots de jeux qui arrivent, il y a des câbles, il y a des manettes d'effets, il y a des objets électroniques au travers qui marchent pas, tu sais, fait des batteries mortes et tout ça. Fait que nous autres, ça produit beaucoup. On devient comme un peu un filtre à déchets, tu sais, où est-ce qu'on ramasse les jeux puis les consoles. Et de ça, dans le filtre, il reste de la junk, tu sais. Fait qu'on produit et on ramasse et on retourne à l'éco-centre beaucoup de junk. Fait que bref, je pense que notre empreinte environnementale est bonne en tant qu'entreprise, puis on fait attention à ça, là, tu sais. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on paye tous pour les excédents, et puis tout le monde va peut-être barrer leur poubelle rendu là, n'est-ce pas? Parce qu'on prend tout pour acquis ici, là, tu sais. Guy Plante, moi, j'aurais tout vu dans ma vie. Barrer les poubelles, sérieusement. Si tes poubelles sont si précieuses, ne les jette pas! Là, Guy, il a tout vu, lui, dans sa vie. Il avait tout vu. Il n'avait pas vu ça encore. Mais là, il vient de voir ça. Puis là, il a tout vu. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à l'écoute. c'est une blague. La vie à Montréal, on se fait voler même nos vidanges. La bonne part, c'est parce que je me fais voler mes vidanges, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour là, de tout. Ah ouais, Maxime Laporte, une photo de woke du plateau. Ça, j'ai pas trop compris c'est quoi le wokisme de ça puis du plateau, mais j'ai comme l'impression que ça, c'est juste quelqu'un qui vient jamais à Montréal et puis que le plateau, c'est juste des woke et puis c'est la clique du plateau, comme on disait dans le bon vieux temps. Et puis voilà, du monde anti-Montréal, c'est ce que c'est. Donc, écoutez, allez voir ça. Si vous n'avez pas vu ça, ça a fait beaucoup réagir. C'est fascinant. Alors, je vais continuer de toujours vous faire des updates poubelles. Et puis là, bien sûr, j'avais écrit aussi dans la publication, vous allez voir maintenant, les gens qui ne peuvent plus mettre leurs déchets dans mes bacs vont juste les déposer partout autour. Alors, je vous promets qu'à chaque fois que je vais voir quelque chose, je vais publier des photos de ça. Et je vais peut-être être invité un moment donné à aller à la télévision, à TVA, pour parler de ça. Qui sait? Ça serait fascinant. Alors, voilà. On s'en va des questions du public et je les cherche et elles sont ici. Donc, et je vais les mettre sur le side. Et puis là, je vais aller avec Newest. Puis on commence par la plus récente et puis je vais descendre. J'espère ne pas en répéter. Ça devrait pas. Alors, on y va. Johnny Fanialuk. J'aime ça ce nom-là, Fanialuk. Je le vois souvent, Johnny, passer. Et puis, je sais pas si c'est ton vrai nom, mais Fanialuk. Je trouve ça nice. Alors, tout sur le Game Gear. C'est ça sa question. Fait que je vais tout vous expliquer, là, tout le Game Gear. C'est pas vraiment une question. C'est très drôle. Mais j'ai pas de Game Gear, mais j'ai commencé à jouer à des jeux de Game Gear sur ma Analog Pocket. Et puis, j'aime beaucoup ça. Explorer le Game Gear comme le Game Boy Color, comme toutes ces consoles-là que j'avais pas à l'époque, bien sûr. J'avais juste Game Boy Advance. J'ai même pas eu Game Boy Color à l'époque. Donc, je me fais un plaisir d'essayer de trouver les bons jeux là-dedans. Là. Puis, je publie ça sur ma page Facebook de toute façon. Donc, voilà. David Richard. C'est-tu tes vrais cheveux? C'est mes vrais cheveux. Et puis là, ils sont longs. Puis, il faut que je m'y fasse couper mercredi prochain. J'ai pris rendez-vous. Puis, c'est pas pire, je me considère chanceux, je cale pas, tu sais, ici en avant, pas trop en tout cas. J'ai pas de trou ici, là, sur le dessus de la tête, là. Et puis, par contre, mes cheveux, on dirait qu'ils raidissent avec le temps, là. Comme je disais, ça devient du crin de cheval, là. Comme mon père, il a tous ses cheveux, il a plein de cheveux, mais c'est comme raide, tu sais, ça a l'air de faire mal, là, tu sais. Fait que, je vais devenir ça, des cheveux de moins en moins souples, là. De plus en plus comme plastifié. Fait que ça va piquer. Mais non, c'est ça, je pense pas perdre mes cheveux ben. Hey, j'étais encore jeune, là. Je vais avoir 45 ans dans un mois. C'est jeune. Pas besoin de paniquer avec ça, n'est-ce pas? Hein? J'espère. Miu Mambo Samoyedes. Là, il a tout. Mais il a tout mélangé ses lettres de nom là. Mais je le vois souvent aussi, là, lui. C'est un cool guy. Est-ce que Microids est le nouveau LGN? Des grosses franchises connues avec des graphiques ou des jeux flash et du gameplay décevant. Le nouveau Operation Wolf, là, 3 petits points, ouf. C'est vrai, saviez-vous? Il y a un nouveau Operation Wolf. Et puis, je vais ouvrir une page de Microids. Et puis, on va aller voir leur jeu. Alors, Opération Wolf est un jeu d'arcade que moi, quand j'étais jeune, je trouvais ça malade. T'sais, un Uzi, là, puis First Person, là, sur rail, tu sais, puis de côté, puis tu tires le monde, et c'était bien, bien bon. Il l'a eu sur NES, c'était pas bon. Et puis, là, il y a un nouveau Operation Wolf qui vient d'être fait. Ça vient de sortir, là, version physique. On en a commandé deux ici, chez Retro Montréal. Et puis, on en a vendu un, et puis, il en reste un autre. Je vais aller voir tout de suite. Et que c'est bien fait, le site web de Retro Montréal. Ma foi du bon Dieu. Oui, mesdames et messieurs, il nous reste un Operation Wolf Returns First Mission Rescue Edition. Donc voilà, tout est là. 50 tomates pour posséder cet opus. Et puis maintenant, on s'en va sur le site de Microid. Et puis on veut voir leurs products. Et puis, je veux voir tous les products. Ah, il y a Microid, Microid Indie, Microid Life, là, c'est compliqué ça, c'ti. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god. Il y a un jeu d'Inspecteur Gadget, il y a Front Mission First Remake, ça c'est quand même connu. UFO Robot Grandizer, The Feast of the Wolf, jeu de Goldorak. Noob, je sais pas ce que c'est. Un jeu de Tintin, Flashback 2. Siberia, tu sais, il y a des Sifu. C'était bon ça, Sifu. Je l'ai pas joué, mais ça a été un hit. The House of the Dead Remake. Il y a des gros titres là-dedans, là, cher Miuk Mambo. Et puis, Quest for Xenoblade. Bon, il y a de la merde aussi, là. Les Schtroumpfs. 13, ils vont-tu refaire 13? Arkanoid Eternal Battle. J'ai essayé, c'était pas si bon. Les Astérix. Joe and Mac Caveman Ninja. C'était pas bon ça. Mais c'est vrai que tous ces jeux-là sont pas très beaux. Moi j'avais aussi Gigantic Army. Et puis, que je pense que c'est eux qui avaient publié, je pense. Puis man, c'était lettre là. C'était lettre. C'est-tu eux autres qui avaient fait ça? Je recherche. J'ai pas trouvé. En tout cas, bref, c'est intéressant comme point à soulever, Miuk Mambo. Et puis, c'est vrai que quand vous voyez le logo de Microïd, faites attention. On dirait que ça se pourrait que ça soit pas très bon derrière ça. Et surtout pas très beau au look. J'ai pas essayé assez de jeux de Microïd pour te dire. Étrangement, ils ont des gros jeux, des gros noms. Mais ça semble pas très maîtrisé. Hein? Gardez un œil là-dessus. Maxime Souriol, que penses-tu du projet de déménagement de la capitale indonésienne de Jakarta, une nouvelle ville sur l'île de Bornéo? Et devrait-il créer les plans de la ville avec un bon vieux SimCity? Voilà une question très profonde, cher Maxime, dont je n'étais pas au courant du tout. non, moi, tu sais, moi, c'est juste les poubelles, je m'occupe. Je m'occupe pas de ce qui se passe à Jakarta. Non, mais je suis pas au courant. Mais tout ce qu'on peut utiliser de SimCity, on devrait, là, ça a fait ses preuves. Jim Gendron, dirais-tu que dans une full set Game Boy, avoir des jeux européens, mais avec les mêmes labels, genre Kid Dracula, le compterais-tu quand même dans le set? Merci de ta réponse. Écoute, je veux pas être plate, mais moi je dirais que c'est triché! C'est triché! Ça dépend. Si, tu sais, mettons que tu veux faire ton set Game Boy nord-américain, puis là il te manque Kid Dracula, puis là mettons il vaut 500$, je me rappelle plus, mais à la place t'achètes celui japonais qui vaut 50$, tu sais, ah, full set, non, c'est comme pas vrai, tu sais. Mais mettons que t'as le jeu, comment ça s'appelle là? Un jeu de merde là. Bref. Il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux PAL au Game Boy, bien sûr, où est-ce que le Nintendo Seal est rond, donc vous pouvez les différencier comme ça. Et puis, voyons, c'est quoi mon affaire? C'est un jeu de balles, là, de billes, ben moyen, je me rappelle plus. Moi, est-ce que c'est toujours PAL, quasiment plus dur d'en trouver une version nord-américaine? Bref, jeu poche pour jeu poche, 10$ le jeu, 10$ le jeu, tu sais, je me dis, bah, c'est une version PAL. Mais il faut que tu restes à l'affût d'essayer d'en trouver une version nord-américaine un jour. Mais non, pour vrai, ben ça c'est... Hey, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais là, on me demande mon avis. Moi, puis mon avis personnel de moi dans la façon où je le ferais. Moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, faut que ça soit toute la patente, t'sais. Égale tout. Fait que voilà, ça prend des règles. Quand tu fais des full sets, ça prend des règles. Parce que tu te répands, t'sais. Tu te répands même trop. Parce qu'il y a aussi des jeux en license au Game Boy, des jeux de Bible et tout ça. T'sais, moi, j'ai exclu ça, mais c'est des jeux dont il y a sûrement nord-américains aussi. Et puis, ah, je l'ai presque le jeu dans ma tête, là. On s'en fout tellement, c'est tellement un jeu de merde. En tout cas, c'est ça, il y a des jeux en license. Moi, j'ai exclu ça du set aussi. Je veux les jeux license nord-américains, tu sais. Mais c'est ça, même au NES aussi. Si tu veux un full set NES, il y a des jeux en license. Puis là, ça va loin, là. Puis il y a des affaires qui coûtent cher là-dedans, là. Donc, c'est pas évident, là. Mais faites-vous vos règles. Et puis, moi, ce sont celles que je me suis dictées. Mary Jane, l'évêque, un hot dog, c'est-y un sandwich? Moi, je dirais que non. C'est comme trop unique, tu sais. Il y a son pain précis à lui avec lequel, bah, tu peux faire des guédilles aux morts, là, puis tu peux faire des guédilles avec un pain hot dog. Mais, non, je trouve que c'est trop pointu. C'est pas un sandwich, c'est sa propre affaire, tu sais. Puis tu peux pas vraiment utiliser. Tu peux, mais la saucisse hot dog va dans un pain hot dog, tu sais. Tu peux pas vraiment faire un autre sandwich avec la saucisse du hot dog, là, tu sais. Oui, tu peux la couper en morceaux puis la mettre entre deux tranches de pain normal ou whatever, tu sais, mais c'est pas pareil, tu comprends? Personne ferait ça normalement. Donc, moi je dis, c'est pas un sandwich. Simon Terrien, possèdes-tu des jeux de 3DS dans ta collection? Si oui, quel jeu tu suggères? Est-ce que le Castlevania vaut la peine? Très belle question. J'ai une très belle 3DS version Super Nintendo, moi. Et puis, je l'utilise peu. Et je me sens bien mal de ça. Et mes enfants l'utilisent, puis ça me stresse un peu. Je ne veux pas qu'elle brise, tu sais, parce que cette édition-là vaut quand même cher. Puis j'ai switché ma bonne vieille 3DS XL rouge pour cette édition-là dans le temps. Bien content. J'ai payé 200 complète en boîte et tout, puis là, elle en vaut certainement le double. Si je réussis à la vendre, c'est ça qu'elle va valoir. Il y a de l'offre et de la demande, ne l'oubliez jamais. Mais je ne veux pas la vendre de toute façon. Je regarde ma mince collection 3DS, que j'ai pas dans mon téléphone d'ailleurs. Puis, je vais juste essayer de vous énumérer les jeux que je possède de mémoire. Shinobi, de Rhythm Thief. C'est un jeu qui vaut cher, ça. Bruno l'avait critiqué à Rétro Nouveau. Et puis, un jeu de rythme avec un très parisien, là, avec un voleur et tout, là, je sais pas quoi. Un jeu qui a pris énormément de valeur, énormément. Là. On va tellement qu'on va aller voir sur Price Charting. Donc, c'est dur à dire, hein, Rhythm, R-H-Y-T-H-M, oui. Rhythm Thief and the Emperor's Treasure. Donc, une belle cassette, ça, complète, 240$. Il me semble que ça a baissé. On va aller voir le tableau. Oui, ça a baissé un peu dernièrement. Ça a spiké en malade en juillet 2022. Après ça, ça a droppé, ça leur monte un peu, ça leur droppé. D'après moi, c'est un jeu ça, qui devrait se maintenir logiquement dans les 200$. Fait que, ouais, ça va peut-être même va dropper encore. Alors, oh, j'aurais dû le vendre quand c'était le moment. Excusez, je vais revenir aux questions. Donc, je possède ça, mais j'ai même pas joué encore. Je peux pas vous dire. Bruno, il a bien aimé ça. Bruno, il est bon public, oubliez pas ça. J'ai Pokémon, j'ai des jeux de Pokémon que mon plus vieux a tellement joué quand il était plus jeune et puis il veut pas que je m'en débarrasse, il a sa game là-dessus, tous ces Pokémon légendaires sont au niveau 99, machin. Puis là je trouvais ça beau, ça me faisait penser à moi, Final Fantasy 2, je faisais la même chose. J'ai un jeu de Turtles, un combo des Turtles, Nickelodeon Turtles, puis Ooze machin, là. On retourne sur Price Charting. Turtles Ooze. Alors, Danger of the Ooze. Puis c'est ça, il y a un combo de ça qui existe avec un autre jeu des Turtles qui est pas très bon. Puis Danger of the Ooze, on m'a dit que c'était Metroidvania. Alors, j'ai commencé un peu l'autre fois, puis finalement, j'ai décroché assez rapidement. Pas parce que c'était pas bon, parce que j'étais pas dedans vraiment. Et puis, à voir. Mais je file pas tant pour jouer sa 3DS, là, dernièrement. Je suis pas dedans, tu sais. Quel autre jeu que j'ai? J'ai des River City. Si je tape River 3DS, ça va m'en sortir. River City Rival Showdown et River City Tokyo Rumble. Que je pense que j'ai les deux sealed. Et étrangement, j'ai déjà vu ces deux jeux-là sealed bien des fois. Et puis, j'ai pas déballé ça. Je les possède juste parce que c'est River City. Puis, moi, je capote un peu trop là-dessus, River City. Ça n'a pas rapport parce que j'adore River City Girls. Le premier River City Ransom, j'ai jamais joué vraiment plus qu'une game complète avec un ami. Fait que c'est un jeu NES, ça, que c'est niaiseux que je comprends pas pourquoi je n'ai pas redonné personnellement sa chance, moi, me concentrer sur ce jeu-là. Va falloir que je fasse ça. Parce qu'il y a quand même de la gestion un peu, puis j'ai peur de pas comprendre, mais je pense qu'il y a un timer aussi, puis ça me stresse. Fait que. fait que c'est ça. J'ai une autre affaire aussi sur 3DS. C'est un shmup qui est paru il n'y a pas si longtemps, qui était, je pense, un homebrew, quelque chose de même de ah, c'est de Dreamcast qui ont fait au DS Dunos, Danos, Duo, Danos, je sais pas quoi, je m'en rappelle plus. Que j'ai pas déballé, c'est un shmup. J'ai Atouille Collection, donc ça c'est Renegade Kid qui a changé son nom pour devenir Atouille, et puis ça c'est la personne derrière les excellents Mutant Mods et Exo Drifter, donc ça c'est, j'aime bien ça. Mais je l'ai pas déballé, c'est pour la collection, donc et ça fait pas mal le tour pour vrai. Metroid Samus Returns, j'ai aimé ça dans le temps. Kid Icarus Uprising, j'ai aimé ça. C'est des jeux que j'ai fait au complet, que j'ai beaucoup aimé. Puis le Castlevania, donc je déteste le Lords of Shadow 1. J'ai pas joué au 2. Mais celui-là, Mirror of Fate sur 3DS, ce que j'aime bien, c'est que ça explique qui est Alucard, qui est Simon, ils viennent de où ce monde-là, puis tout, ça refait le lore de Castlevania. Je déteste qu'on refasse le lore de Castlevania. Il existe. Lords of Shadow coupe et recommence tout. Dracula n'est plus le même. Dracula devient, tu sais, comme... Ils refont tout, ça fait chier. Mais Mirror of Fate, il va chercher les petites affaires, tu sais, dans le passé, dans le vieux timeline. J'ai apprécié cela. C'est-tu un excellent jeu? Non. Mais c'est un bon jeu. Là, j'ai eu du plaisir. Ce jeu-là n'aurait pas été appelé Castlevania. J'aurais eu du plaisir aussi en passant. Donc, il vaut la peine, moi, je trouve. Je sais pas c'est quoi le prix. Combien est-ce qu'il vaut présentement. Mais c'est pas à se garrocher dans les murs. Mais je le respecte comme jeu Castlevania. Guillaume Roy, quel jeu aimerais-tu voir un remake ou un port Nintendo Switch? Crois-tu que l'intelligence artificielle va modifier l'industrie du jeu? Avez-vous déjà pensé à une sucre récente? Ah, j'ai déjà répondu à cette question-là au dernier épisode. Crois-tu... Mario Ramos, crois-tu au petit Jésus? J'ai répondu à ça. Sébastien Bouchard, c'est quoi le jeu que tu recherches le plus pour ta collection présentement? Je pense que j'avais pas répondu à ça. J'ai besoin de Jetsons Robot Panic complet en boîte au Game Boy. J'ai besoin de la boîte et livret en fait, parce que bien sûr j'ai déjà le jeu, pour avoir complet en boîte tous les jeux que je possédais à l'époque, que j'ai donné, que je me suis débarrassé. C'est le seul jeu de mon enfance qui me reste à ravoir. Puis ça vaut cher en crise, puis j'en vois passer des fois sur eBay. Des complets, puis le monde 700, 800. Là, présentement, je suis cassé. Là. J'ai jamais été aussi serré pour vrai. Fait que c'est pas... Aussi, tu sais, mon full set Super NES, je dis, ah, je le finis pas, puis ça avance pas. D'un autre côté, je pourrais me forcer à le faire avancer, mais il faudrait que je dépense, puis là, c'est pas un bon moment du tout. Tout me coûte cher. Le collège, le char, vient de changer les freins, style, la bouffe. Faut que je change une autre affaire dans la douche et puis ma locataire en haut va peut-être partir, va devoir faire des travaux, fait que c'est zéro. C'est pas le bon moment pour moi d'investir pour 1000$ de boîte de carton de jeu, ça serait un peu ridicule. Même que je fais un peu de ménage, j'avais peut-être vu sur le CCJVQ, je vends des jeux Switch, je fais une première passe comme je veux faire de la place un peu, je veux affûter ma collection Switch, fait que j'ai sorti des affaires que... Des jeux que j'ai pas tant aimé, des jeux que je sais que je jouerai pas, des affaires que j'ai essayé puis que bof. Fait que, ouais, je fais un peu de place, on va voir. J'ai rien vendu. J'ai juste vendu River City Girls Zero, étrangement. Et puis, c'est très démonstratif hein, de ce qui se passe. Puis aussi ici, chez Retro Montréal, tout le monde veut vendre, puis personne veut acheter. J'envoie des publications là, de monde qui vendent leurs affaires là, sur les pages Facebook. Là. Personne n'achète présentement. Moi, j'essaye de vendre mes affaires. Tout le monde essaye de vendre leurs affaires. Les gens sont pas acheteurs. Les gens sont cassés. Fait que surprenez-vous pas si on offre peu. Fait que, bref, j'ai rien vendu. Donc, The Jetsons, pour continuer, Sébastien, Robot Panic, ça serait ça. Et puis, au Super NES, présentement, sans que ça soit un grand jeu, j'ai le jeu le plus cher que j'ai de besoin, Syndicate, que je trouve jamais en bon état. Je l'ai juste vu une fois ici, localement, puis il est pas en bon état. Puis là, je baisse mon niveau de satisfaction de l'état, puis j'acquière le Super NES pour que ça finisse un jour. Mais il est vraiment trop en mauvais état. Là. J'ai besoin d'un peu plus que ça quand même. Donc, c'est ça. Mais sinon, je recherche pas. Puis bien sûr, des boîtes et livrets de jeux Atari comme super rares, comme Astérix puis Obélix, mais c'est ça. Carl Jean-Bord. Salut Papa Cassette. Ma question, c'est comment ça marche pour évaluer ma collection de jeux? Et si j'ai des items de ma collection comme jeux plus boîtes, augmente la valeur, oui ou non? Donc, moi, je continue à dire que Price Charting est le meilleur outil pour donner une très bonne idée de la valeur des jeux. Bien sûr, quand pour un jeu à 1000$, quoi que ce soit, il faut aller sur eBay dans la section « Sold Listings ». Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écrivent « Hey, j'ai ce jeu-là à vendre, j'ai fait mes recherches ». Puis là, ils vont pas voir les jeux vendus sur eBay, ils vont voir les jeux à vendre. Mais quand c'est des ventes réussies, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a accepté de payer ce prix-là pour cet item-là. Donc, si tu vois des listings à 1500$ de ton affaire ou à 2000$, c'est pas ça que ça vaut. Ça, c'est ce qu'il y a sur le marché au prix que ces gens-là ont décidé de le mettre. Mais ils sont pas vendus parce que les gens ont pas payé ce prix-là. Fait que quand tu vas voir les vendus puis que là tu te rends compte qu'il y en a des vendus à 560 puis à 600, ben c'est ça que ça vaut, tu sais. C'est un univers de différence. Puis le monde, ils font pas ça. Hey, mes affaires, ils valent cher. Non, ils valent pas cher, si tu fais des recherches comme il faut. Et puis, eBay, c'est une affaire aussi. eBay, se prend une cote de genre 11%, là, tu sais. Fait que le monde, ils boostent leur prix. Et puis, comme le shipping, style, le bordel, tu sais, tout ça rentre dans l'item eBay, là. Fait que si eBay, il dit que ton affaire, il vaut, il est vendu à 80$, mais il y a aussi le trouble de payer parfois des douanes, du shipping, puis des affaires, puis tout. Fait que eBay, tu sais, oui, là, mais localement, la game est un peu différente, tu sais. Fait que voilà. Mais eBay peut donner une genre d'idée, là, comme. Mais vas-tu l'acheter sur eBay? Achète-les chez Retro Montréal, pas mal plus simple, garantie 30 jours, on est là, on a un magasin, c'est sécurisant. Donc, c'est ça la différence. Mais dans Price Charting, pour y revenir, mon cher Carl, il y a, je vais aller sur Price Charting. D'ailleurs, Price Charting a finalement fait une app, mais mon vieux téléphone iPhone 8 n'est pas capable de la prendre. Mais ça, avec les versions récentes, vous pouvez télécharger l'application Price Charting. Je ne l'ai pas essayé parce que je ne l'ai pas, mais j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc, quand vous allez dans le menu Price Charting, il y a un onglet vers la droite qui s'appelle Tools. Ah, en passant, mettez votre Price Charting en haut à droite en canadien parce que tu peux le mettre en d'autres devises. Souvent, par défaut, il est en US, donc ça fait une grosse différence. Donc, première chose à faire, Price Charting en canadien. Ensuite, tu vas dans Tools. Puis là, il y a plein d'affaires. Tu vas dans Lot Value Calculator. Donc, tu cliques là-dessus. Et puis là, tu peux lister, choisis ta plateforme. Donc, tu veux mettre tes jeux Wii, tu choisis Wii. Puis là, tu commences à taper tes jeux. Puis là, ils te donnent des titres. Puis tu cliques là-dessus. Puis là, en dessous, tu peux choisir l'option CIB, Loose, New, donc Sealed, Graded. Ça, je pense pas que ça, c'est très, ça donne vraiment la réalité. Tu peux mettre aussi Box Only ou Manual Only. Fait que tu listes tes affaires comme ça et puis tu peux en mettre par contre que 10. Mais si tu payes pour t'abonner à Price Charting, qui est genre une dizaine de piastres par mois, là, je sais pas quoi, ben là tu vas pouvoir lister autant que tu veux puis avoir ton onglet, ta section, ta collection dans Price Charting. Donc je pense que je vais le faire éventuellement. Je pense que je vais tout sortir mes affaires de mon app de téléphone. Puis je vais tout retransférer dans Price Charting éventuellement. Je pense que c'est la plateforme la plus proche de la réalité, tu sais. Mais bien sûr, elle n'est pas parfaite, loin de là. Puis ce qu'il faudrait, c'est que Price Charting offre aux commerçants comme moi et aux personnes qui font beaucoup de ventes de prendre nos données. Comme ça, s'ils voient que nous autres, on vend, je sais-tu, moi, 30 copies de Mario Kart Wii par mois à tel prix. Puis que, tu sais, parce que Price Charting, mettons, il est à 25$, mais nous autres, on les vend facile là, à 45$ ici, puis on en manque, tu sais. Fait que nous, la réalité ici, c'est ça. Là, fait que l'offre et la demande ici et là. Fait que ça ajusterait peut-être le prix si tout le monde faisait ça un peu partout, tu sais. Mais c'est ça. Fait que bref, Price Charting, mon ami, c'est ce que je te recommande le plus. Pour voir la valeur de tes jeux. Sinon, il y a des applications gratuites. Games Value Now aussi est une autre Price Charting. Mais bon, Game Eye. Le monde, il nomme souvent Game Eye comme application gratuite. Mais quand c'est gratuit, ben tu vas avec. Là. Des fois, c'est peut-être pas mis à jour toujours. CLZ aussi est une application que je considère payer pour éventuellement. Je pense qu'elle est très complète. Price Charting, c'est beaucoup amélioré cependant. Il manquait beaucoup de choses avant, mais là, ils ont du stock. Là. Ça j'ai répondu. Dominique Ostigui, Rick and Morty, South Park ou Family Guy? J'ai jamais écouté Rick and Morty parce que je suis plus vieux et puis moi j'écoutais des comics. South Park, j'ai découvert ça quand j'étais au cégep. Ça a commencé à exister quand j'étais au cégep, fait que j'écoutais ça un peu. Family Guy, un peu plus tard, j'étais sur le marché du travail quand j'ai découvert ça. Fait que South Park, j'ai écouté dans le temps, je me suis tanné avec le temps, j'ai pas couru après ça. Family Guy, j'ai eu un gros trip Family Guy, j'adorais ça. Les Simpsons aussi, j'ai énormément écouté de Simpsons. Et quand j'étais plus jeune, les pierres à feu. Donc, je suis... Dans tes choix, je suis un gars de Family Guy, mais overall, j'écoute plus ça là, du tout. Kevin Massé, j'ai lu Ready Player One. Est-ce que tu as des suggestions de lecture qui intéresseraient des gamers? Pour être franc... Pas vraiment. J'ai lu des choses. J'ai lu les deux livres de Pat Country. J'ai lu le livre NES au complet de Pat Country. Super NES, je le possède. Je vais lire les jeux qui m'intéressent. J'ai lu 1001 jeux qu'il faut connaître avant qu'il faut jouer avant de mourir. Là, l'affaire de même. Puis j'en ai lu beaucoup là-dedans. Là, ça commence à dater ce livre-là. Fait que ça arrête au PlayStation 3, je pense, cette génération-là. Fait que, tu sais, c'est plus à jour, mais c'est très intéressant. J'ai découvert plein d'affaires PC et des trucs comme ça. Donc, ça, je dois avouer que c'est une genre de Bible que j'en ai lu énormément. Même des jeux que je jouerais jamais dans ma vie, King's Quest ou whatever, je trouvais ça intéressant de lire là-dessus, tu sais. Mais j'ai pas de livre, de grands livres, là. Je regarde ça. La peau, comparer les artworks. Je pense que j'ai répondu à pas mal tout le reste, chers amis. Ben oui, ben oui. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Donc, un nouveau commentaire YouTube ici. Ah, ok. Parce que je lis vos commentaires aussi sur mes épisodes hein, YouTube et puis je réponds pas mal toujours. Là. Alors c'est bien apprécié, sachez-le, merci beaucoup. Donc, faut que j'aille bosser là-dessus. C'est la sortie de Call of Duty aujourd'hui. Wow! Deux jeux. C'est tellement pas une grosse sortie. Je pense que j'écoutais un live du coin Game Over, que eux, ça fait 15 ans qu'ils existent, puis quand ils étaient plus... il y a longtemps, on n'était pas dans business à cette époque-là, mais les Call of Duty, c'était des grosses sorties, puis à cette heure, c'est plus rien. Là. Puis je le comprends, le monde, il achète plus ça physique, là, tu sais. Fait que NHL, Call of Duty, ces affaires-là, là, c'est pas grand-chose. Mais Mario RPG, ça s'en vient, puis ça va être bien excitant. Là. Donc voilà, chers amis, merci pour tout. Puis écoutez, j'espère que j'ai pas été un peu rough là, avec les poubelles et tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Moi, on m'a reproché de reprendre publiquement. Dans le passé, on m'a reproché de reprendre publiquement des reviews Google de l'arcade ou des affaires de même. Tu sais, moi, je suis comme. Tout ça est public. Tu sais, si. Publiquement, tu vas sur la page de mon commerce, me donner de la merde, m'en répondre publiquement à tout ça, là, tu t'as un problème, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir qu'on règle ça, puis ça va en rester là, mais comme tu donnes ton opinion sur mes affaires, si tu me traites de cave, bon, j'ai envie de répondre un peu. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Comme ça, moi, bien prétentieux, bien fraîchier. Je suis un fraîchier. C'est ça. Bon, hey, c'est pas grave, je vais être mort bientôt. Inquiétez-vous pas. On travaille sur un beau projet là, ici chez Retro Montréal. On va vendre des boîtes. Juste des boîtes de jeux à l'unité. On vendait des livrets, des inserts, Puis là, on travaille sur les boîtes. Donc, c'est bien excitant. C'est déjà en ligne. Hein? On est en ligne présentement. Allez dans la section Complétez votre copie. On a aussi des trays en carton qu'on vend à l'unité aussi maintenant. Donc, on ne l'a pas encore annoncé parce qu'on attend d'en avoir beaucoup avant de faire une publication, puis je vais faire une publication. Mais ça, je trouve qu'on on fait une bonne job là-dessus, tu sais. Comme la section Compléter votre copie, tu veux un fond pour ta boîte NES, tu veux un protecteur de boîte, tu veux si tu peux, c'est parfait pour les collectionneurs pour pimper tes affaires, tu sais. Tu as un Donkey Kong 64 loose, tu aimerais ça l'avoir complet, ben va voir dans notre section. On a une boîte livrée maintenant avec toutes tes photos et tout ça. On prend du temps pour faire ça. On donne beaucoup, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commerces qui font ça globalement. Là, je parle des boutiques en ligne que je regarde partout au Canada puis tout ça, tu sais, qui prennent le temps de mettre des vraies photos, des vraies boîtes que tu peux acheter puis tout ça. Donc, on investit là-dedans, ça nous prend du temps puis des ressources. Le temps, c'est de l'argent, ne l'oubliez jamais. Puis chaque heure qu'on passe là-dessus, j'ai des employés payés pour ça, fait que ça gruge le profit de ces affaires-là, mais il faut juste, moi je pense que cette ligne de produits-là, on va la travailler, puis je pense que ça va être payant. Fait que, puis on a beaucoup de boîtes ici qu'il faut passer et tout, même qu'on va déboxer des affaires. Tu veux pas acheter tel jeu complet en boîte à 500$? Ben, un va acheter à cassette 250$, puis un va acheter à la boîte 250$. Tout le monde va y trouver son compte. Donc voilà. Hey, il faut que j'y aille. Merci beaucoup tout le monde. Toujours très apprécié que vous soyez au rendez-vous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt.